deuxième temps de notre série sur l'histoire des homosexualités. Aujourd'hui, les archives des mouvements LGBT+. Après avoir hier compris avec Sandra Boringer combien il était difficile d'appliquer à l'Antiquité les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité, nous allons ce matin, dans l'émission d'archives du mardi, aborder la question des archives des mouvements gays, lesbiens, bi et trans. Comment collecter ces archives? Comment les rendre disponibles à un large public? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Sylvie Tomolillo, en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Elle est conservatrice à la Bibliothèque de Lyon, responsable du Centre de ressources sur le genre. Suzette Robichon est avec en studio aujourd'hui. Elle est activiste féministe et lesbienne du collectif des archives lesbiennes et du bureau du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Antoine Idier est également avec nous. Il est historien et sociologue. Il travaille à l'École supérieure d'art de Paris-Cergy et il est coordinateur du collectif qui vient de publier aux éditions textuelles Archives des mouvements LGBT+, une histoire de lutte de 1890 à nos jours. Bonjour à vous, Sylvie Tomolillo. Bonjour. Merci d'être avec nous, donc en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Bonjour à vous, Suzette Robichon. Bonjour. Et merci d'être là également à Antoine Idier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié un gros livre collectif, il faut le dire. Ça n'est pas, c'est sous votre signature, mais il y a de nombreuses contributions de chercheuses et de chercheurs sur cette question, sur les archives des mouvements LGBT+. C'est une idée qui vient de vous, qui vient de votre éditeur. Comment cela est-il arrivé, donc, jusque dans les librairies? Aujourd'hui. À l'origine, c'est une proposition des éditeurs de Textuel, Marianne Théry et Bernadette Caille, qui je crois, voulaient réagir au débat qui avait pris de l'importance il y a un peu plus d'un an sur la question des archives LGBT+, notamment à la suite du film 120 battements par minute. Et elles m'ont proposé de travailler ensemble en posant des questions finalement assez simples. C'est quoi ces archives LGBT dont on parle tant? Est-ce qu'on pourrait les donner à voir? Et c'est vrai que dans le cadre de mes précédents travaux, j'avais eu l'occasion d'avoir pas mal de documents. Vous avez travaillé en particulier sur la personnalité gay en Ken Game. Oui, voilà. Et du coup, j'avais traversé pas mal de fonds d'archives. Et moi, ça rejoignait un peu deux préoccupations que je trouvais intéressant d'explorer en mettant en circulation ces archives et en proposant à des personnes d'y réagir. C'est d'une part la question de la politique de l'histoire produite par les mouvements minoritaires et notamment les minoritaires sexuels, c'est-à-dire comment ces mouvements minoritaires viennent contester les versions dominantes de l'histoire et viennent contribuer à une réécriture de l'histoire. Et le corollaire de ça, c'est aussi comment l'histoire sert aux mouvements minoritaires, notamment homosexuels, pour inventer des identités, pour instaurer une filiation entre le présent et le passé, une forme de nous intemporel qui remonterait à plusieurs générations précédemment. Et le livre permet de dialoguer avec ces deux dimensions-là. Suzette Robichon, vous êtes activiste féministe et lesbienne. Vous êtes intéressée très tôt à ces questions des archives, parce que tout compte fait, on sait très bien que quand on est dans un mouvement, en particulier un mouvement de conquête des droits, on en oublie souvent de conserver les archives parce qu'au bout du compte, eh bien, on est dans l'action, on regarde devant et assez peu dans la conservation des archives. Si on s'est posé la question très tôt, d'abord en tant qu'individu, adolescente, j'allais dire, et après grandissant, on gardait traces et on cherchait des traces de tout ce qui pouvait justifier ou expliquer notre existence en tant que lesbienne, en tant qu'individu. Et puis dans les années 70, avec la création de groupes féministes et lesbiens, la question d'archiver ce qui faisait l'objet de nos luttes s'est posée. Donc en 1983, a été créé le premier centre, enfin le seul centre d'archives de recherche culture lesbienne à Paris, par une historienne, Claudie Lesselier, militante également, et elle a créé dans son appartement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à New York, en même temps, Deb et John Nessel ont créé leur centre d'archives dans leur appartement, à Berlin également. Et donc, ce centre d'archives était à la fois un lieu de résistance contre l'effacement de l'histoire qui n'était pas écrite, donc pour exister, et un lieu de visibilité, et un lieu de lutte, puisqu'il s'agissait dans un premier temps, et toujours aujourd'hui, de rassembler tout ce qui se faisait sur le plan lesbien, et en particulier au moment des luttes, puisque à ce moment-là, il y avait la création et la floraison de groupes, de journaux lesbiens. C'était quoi ce moment-là pour nos auditeurs? À partir des années 75 jusqu'aux années qui ont suivi ensuite, et qui continuent. Sylvie Tomolillo, vous êtes conservatrice à la Bibliothèque de Lyon, responsable donc du Centre de ressources sur le genre. Je vais vous poser la question très simple que posait à l'instant même Antoine Higuier. C'est quoi ces archives? Alors, ce sont des archives que nous collectons. Je vais peut-être d'abord rappeler un petit peu le contexte. Hein. Il y a une douzaine d'années, la mairie de Lyon décide de créer un centre de ressources sur la mémoire gay et lesbienne, que nous avons ensuite inclus dans le prisme plus large du genre. Voilà. Pour ce qui est, alors les archives, c'est une partie du travail du centre de ressources sur le genre. Ces archives, alors il y a une opportunité de départ pour la création de ce centre de ressources qui est le dépôt à la bibliothèque municipale de Lyon du fonds Chomara. Il faut peut-être expliquer ce qu'est ce fonds justement. Alors le fonds Chomara, c'est le fonds d'un collectionneur bibliophile et militant gay lyonnais, Michel Chomara, qui a déposé sa bibliothèque, la bibliothèque municipale de Lyon, qui comporte des dizaines de milliers de documents, dont une partie importante est constituée d'archives gays. Mmh. Voilà. Par ailleurs, alors lui et donc continue... il dépose ses archives et ses livres, et donc ça donne l'idée au directeur de la bibliothèque municipale de l'époque d'imaginer que ça puisse s'inclure dans l'ensemble d'une des plus grandes bibliothèques de France, la bibliothèque municipale de Lyon. Oui, alors bien des années plus tard, hein, en accord avec la mairie, effectivement, il s'agit, alors du point de vue du directeur de la bibliothèque de l'époque, Patrick Bazin, il s'agissait aussi de renouveler la bibliothèque, et c'est là qu'on voit comment ce point de vue décentré, ce point de vue déminorisé, est aussi un facteur de renouvellement de la culture. Antoine Didier, lorsque vous vous plongez pour un ouvrage collectif comme celui-ci aux éditions textuelles dans ces archives que vous connaissez bien par ailleurs pour avoir travaillé sur la personnalité des fondateurs du phare du Fonds homosexuel d'action révolutionnaire, donc Guy Hockenheim, vous vous dites tout compte fait, comment parle-t-elle ces archives d'une certaine façon? De quoi parle-t-elle exactement? Parle-t-elle de la société de l'époque? Parle-t-elle des luttes d'une partie de cette société, cette partie des minorités sexuelles pour pouvoir acquérir des droits? De quoi parle-t-elle? C'est vrai que un des prismes du livre, c'est de partir de la question des luttes, et il y a finalement assez peu de choses sur la question de la vie homosexuelle ou de la manière dont la société considère l'homosexualité ou dont les normes sexuelles trouvent à s'exprimer. L'idée, c'était de proposer une sorte de lecture à plusieurs niveaux, à la fois une histoire des luttes et à la fois une réflexion sur les archives. En même temps, vous avez mentionné le fait que les archives parlent, et moi, c'est ce qui me semblait important comme manière de contribuer au débat, c'est de souligner que l'archive n'existe jamais en elle-même, et qu'en fait, la question de l'archive, c'est avant tout la question du regard qu'on va porter sur le document. Donc, évidemment, il faut collecter, il faut conserver des documents, et en même temps, cette collecte en elle-même est insuffisante, et la question, c'est comment on relie, et comment on lit et relie ces documents pour créer de nouveaux récits historiques. Un exemple, après-guerre, en France, naît une publication et un club qui va avec, c'est le club Arcadie, fondé par André Baudry. Il est interrogé dans une émission de l'ORTF en 1973, une émission consacrée à l'homosexualité. Voici ce qu'il dit. Monsieur, vous étiez professeur de philosophie quand, il y a 20 ans, vous avez fondé le club Arcadie, un club pour homosexuels. Alors quels sont ces hommes qui viennent à votre club? Tous sans exception. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils viennent parce que ils sont seuls. Ils sont mal dans leur peau, la société ne les accepte pas. Ils sont seuls. Quel est l'homme qui n'a pas besoin de tendresse, qui n'a pas besoin d'amitié, qui n'a pas besoin d'amour? Tous. Alors, ils viennent pour cela, aussi bien des ouvriers que des hommes d'affaires, des magistrats, des prêtres, des jeunes, des vieux, des provinciaux, des intelligents, des non-intelligents, des beaux, des pas beaux, des riches, des pauvres, tout. Et alors, à les entendre, au fur et à mesure, 10, 15, 20, 50, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. S'il y a tant d'hommes qui vivent ainsi, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà donc ce que disait André Baudry à la télévision française, c'était en 1973. Vous disiez à l'instant même, Antoine Didier, il faut lire et relire les archives. On voit bien que, par exemple, par rapport à des travaux plus anciens sur l'histoire de l'homosexualité, vous êtes relativement, disons, avec un regard très favorable à ce milieu d'Arcadie, en disant, longtemps, les militants des années 70 ont considéré que cette homophilie qui était défendue par André Baudry était une sorte de compromis passé avec la société bourgeoise qu'il fallait abattre dans les années 70 et 80. Et vous dites, tout compte fait, ça a eu ses vertus. 10 000 personnes qui adhèrent dans les années 70, Michel Foucault et Paul Venn qui viennent dialoguer devant le grand congrès qui se tient à la porte Maillot, ça n'est pas rien et il faut peut-être réhabiliter entre guillemets ce mouvement qui a déjà été réhabilité historiquement par Julian Jackson dans un livre important. Voilà, moi je m'appuie principalement sur les travaux de Julian Jackson, mais c'est vrai que j'étais très heureux de reproduire des documents inédits sur Arcadie, par exemple un livre d'or des années 50 qui montre à quel point les personnes qui fréquentaient Arcadie, pour eux c'était un souffle d'air et un souffle de liberté. Et justement dans cette question de l'écriture de l'histoire, je parlais tout à l'heure de la question du nous, et c'est justement passionnant de se poser la question comment des mouvements produisent à des moments une histoire. Et vous mentionniez les militants des années 70 qui effacent carrément Arcadie de l'histoire de l'homosexualité. Mm-hmm. Par exemple quand Guy Hockenheim écrit en 1979 Race d'Ep, un livre sur l'histoire de l'homosexualité, il décrit avec beaucoup de détails les années 30, les mouvements en particulier en Allemagne, la déportation homosexuelle, et puis il dit rien, le silence jusqu'aux années 70, ce qui est absolument fascinant de voir à quel point il efface cette histoire et en même temps s'inscrit dans cette histoire malgré lui. La découverte de la déportation homosexuelle a été un choc pour Hockenheim, et c'est passionnant de découvrir que 15 ans avant, Arcadie publie des articles dans la même tonalité de dénonciation et de scandale qu'Hockenheim pourra le faire 15 ans plus tard. Suzette Robichon. Oui, j'ai un tout petit peu connu Arcadie, j'étais même à ce congrès de 73 où il y avait donc Foucault. Sur Arcadie, ce que je voudrais juste dire, effectivement, signaler quand même le fait que le phare s'est créé, puisqu'on parlait d'Arcadie, s'est créé par des lesbiennes, par Françoise Daubonne et Anne-Marie Grélois, et que si vous voulez voir un petit peu ce qu'est le phare, je vous invite à aller regarder ce film de Carole Roussopoulos sur le phare, où on voit, on entend entre autres Anne-Marie Grélois, d'une voix extraordinaire, dénonce l'hétérosexualité, l'hétéropatriarcat dans lequel on vit, et dit nous ne voulons pas de cette famille, nous ne voulons pas de cette société, nous ne voulons pas d'enfants, nous ne voulons pas d'héritage, etc. Il y a un sentiment de révolte là, qui je crois est extrêmement important, et c'est là que les archives sont importantes, parce qu'on a beau le lire, entendre la voix, c'est complètement différent et ça permet de sentir cette colère qui animait, qui peut animer encore aujourd'hui d'ailleurs quand on voit certaines formes d'invisibilité. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant parce que vous le précisez dans votre livre collectif Antoine Didier aux éditions textuelles, effectivement, ce front homosexuel d'action révolutionnaire créé par des femmes va très rapidement, disons, non pas éliminer les femmes, elles vont d'une certaine façon considérer qu'elles sont minorées dans ce front homosexuel d'action révolutionnaire qui, dans la mémoire collective, est resté un front gay d'une certaine façon, alors qu'il avait été fondé par des lesbiennes, Antoine. Et Guy Hockenheim, par exemple, n'était pas un des fondateurs et le rejoint quelques temps après et en devient la figure, le leader. Et ce qui m'importait aussi, c'est de souligner ce que l'expression, je trouve, LGBT est éminemment problématique dans le sens où en fait elle crée une unité qui est évidemment souhaitable pour bien des raisons politiques. Et surtout qu'aujourd'hui on ne dit plus comme sur la couverture LGBT+, on dit LGBTQI+, donc effectivement on rajoute à chaque fois de nouvelles façons de vivre sa sexualité à ce qui était au départ plus ou moins unifié avec ces quatre lettres. Bien sûr, et en même temps, il est fondamental de reconnaître la diversité des sexualités et la diversité des oppressions ou des dominations subies par différentes personnes. Et en même temps, cette unité est en partie factice, puisqu'à l'intérieur même du mouvement, il y a un certain nombre de tensions. Et justement, on parlait de la question de l'invisibilisation des lesbiennes, la manière dont les lesbiennes, par exemple, après la création du phare, dénoncent la mainmise de la parole masculine sur le mouvement, ou de la même manière dont mouvement féministe et mouvement lesbien se sont affrontés aussi à certains moments sur la question du lesbianisme et du féminisme. Suzette Robichon. Ben oui, je dirais que ça n'est pas un chemin de rose, le combat pour la reconnaissance des droits, pourrait-on dire. Non, et ce que je voudrais juste dire, c'est que LGBT, on voit les lettres qui ont la même taille, mais dans la vraie vie et dans la visibilité, le grand L que je représente un petit peu ici, effectivement, est souvent vu un petit peu comme invisible. Et que donc, le combat qu'on a amené au niveau tant au niveau des archives qu'au niveau des luttes, c'est de se rendre visible parce que nous sommes des lesbiennes d'intérêt général, pour employer une formule que j'aime beaucoup. Civita Molillo, justement, vous êtes, en tant que conservatrice d'une bibliothèque, en charge justement de récolter, de gérer un fonds, on l'a compris, qui a été donné à cette bibliothèque municipale de Lyon, mais aussi de continuer à collecter des ouvrages, des documents. Est-ce que vous notez justement dans pourrait-on dire, la proportion de documents dont vous disposez, une sorte de déséquilibre entre une ou l'autre de ces catégories ? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a pas mal, pour vraiment donner une typologie très schématique, hein, je dirais qu'on a des dons de personnes qui sont un peu, je dirais, des dons intimes, à la fois militants et intimes, d'hommes ayant perdu leur compagnon des suites du sida. Mmh. Voilà. Ça c'est une documentation qui est importante au-delà de l'aspect très émotionnel de la chose. C'est important de documenter ces années et de voir comment notamment les militants gays ont apporté à la société en général dans leur investissement dans la lutte contre le sida, dans les protocoles de recherche, etc. Ensuite, autre type de dons, des dons associatifs, où là, pour le coup, on a quand même plus de respect de la diversité LGBT. Voilà, je pense aux dons de l'association Les Flamants Roses, par exemple. Quoi d'autre ? On a des dons aussi, pour le coup, d'associations féministes. Voilà. Mais globalement, pour répondre à votre question, oui, la plupart des dons sont des dons d'individus gays. Quand ce sont des dons associatifs, c'est pour le coup plus équilibré. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Suzette Robichon, celle dont on va entendre la voix maintenant, et Lula Perrin, qui était interrogée sur France Culture dans les années 1970 par Jacques Pogam. France Culture, à l'époque, donc s'intéressait à cette question de la sortie de l'invisibilité, justement, des lesbiennes, et interrogeait Lula Perrin, qui était donc très connue à l'époque. Oui, et Lula Perrin, qui était gérante du club le Katmandou. Oui. Dans lequel, d'ailleurs, le groupe lesbien, les Gouines Rouges, n'était pas particulièrement bienvenu parce que porter un t-shirt ou des baskets n'était pas forcément très bien vu par Lula Perrin. Mais néanmoins, le club a été fréquenté, et néanmoins, il est vrai que quand elle est apparue pour la première fois et à la télévision et avec ses livres, quoi qu'on pense de ces ouvrages, c'était quand même une forme de visibilité. Mais il est vrai qu'en tant que jeune lesbienne, créant des groupes lesbiens, des Gouines Rouges et puis d'autres ensuite, quand les femmes s'aiment par exemple pour un journal, on était plutôt en révolte et donc contre cette société commerciale, etc. etc. Comme on a pu l'être aussi contre, même s'il avait joué un rôle, Roger Perfit dans le milieu gay, c'est-à-dire effectivement c'est une sorte de façon de présenter l'homosexuel de service à la télévision, présentable parce qu'il avait des allures bourgeoises d'une certaine façon. Oui, et puis sans parler des positions politiques avec lesquelles on avait des gros désaccords. À vous dire, on a l'impression que ramener l'homosexualité à la sexualité, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Oh, que vous me faites plaisir en disant ça. Car effectivement, on a toujours l'impression, quand on parle d'homosexualité, que nous sommes des espèces de centaures qui vivons à partir du dessous de la ceinture. Et on ne nous parle jamais de notre cœur. On nous demande toujours comment fait-on l'amour, comment faites-vous l'amour, qui est la dominante, qui est la dominée. Mais on ne nous demande pratiquement jamais... Est-ce que vous aimez avec votre cœur comme un homme et une femme s'aiment ? Est-ce que votre cœur bat de la même façon qu'un homme ou une femme hétérosexuel ? Avez-vous des sentiments ? Avez-vous des passions ? Êtes-vous malheureuse ? Avez-vous du chagrin ? Et ça presque jamais. Et ça, vous me faites vraiment très très plaisir en me posant cette question. Ce qui veut dire que le fait d'avoir une liaison physique avec une femme, ça n'est pas l'élément déterminant pour savoir si l'on est ou non lesbienne ? Absolument pas. Absolument pas. Et Lula Perrin, donc interrogée sur France Culture dans les années 1970 par Jacques Pogam, et un autre extrait de cette longue conversation avec Lula Perrin, tout de suite. Aujourd'hui, où l'on parle à tout bout de champ de libération, vous avez l'impression qu'on vous fait votre place au soleil, à vous, les lesbiennes ? Non, pas du tout. Les femmes vont peut-être arriver à avoir vraiment une place au soleil, et nous sommes des sous-femmes. Nous sommes... le huitième de monde, les femmes étant le quart monde, si vous voulez, Nous sommes les sous-sous-femmes. La société est faite d'hommes. Les hommes ont du mal à admettre que les femmes puissent avoir une place dans la société. Mais alors des femmes qui les rejettent de leur lit et de leur cœur, vous imaginez bien que les phallocrates ne vont pas nous faire la part belle. Alors voilà, vous vous réconciliez un peu plus tard avec Yvan Lapérin, d'une certaine façon. Si j'ai trop bichon, parce que je vous vois opiner du chef en écoutant Élu Lapérin parler de sa difficulté. Non, mais il ne s'agit pas de se réconcilier. Je savais des positions paradoxales qu'elle pouvait effectivement avoir. Elle dénonce à juste titre, parce qu'en même temps, si on regarde par exemple la réception d'une œuvre littéraire, celle de Monique Wittig, qui va voir le Médicis en 64 et qui ensuite publie Les Guerrières et Le Corps Lesbien, et dans la réception dans la presse, je parle de la presse, on voit qu'automatiquement elle est réduite. Avec ce titre, Le Corps Lesbien, on l'a réduit à être une écrivaine engagée. Et brusquement, la valeur littéraire de son œuvre est en train de disparaître. Enfin, de disparaître au niveau des critiques. Donc on voit bien que ce qu'elle décrit, ce système hétéropatriarcal, effectivement, pour employer les termes qu'elle emploie, est effectivement très fort. C'est une des difficultés quand on travaille sur ces archives, Antoine Hillier, parce que on voit bien ces mouvements de combat qui doivent conquérir des droits, donc, et qui donc doivent se rassembler pour conquérir ces droits, et en même temps qui voudraient être considérés comme des citoyens et des citoyennes entièrement semblables à tous les autres. Donc il y a une tension entre cette volonté de distinction d'un côté et cette volonté d'être comme les autres de l'autre côté, Antoine Hillier. De même, je repensais en écoutant Suzette et en écoutant l'archive que vous donniez à entendre, cette question aussi un peu de ce problème du porte-parole pour les mouvements sociaux ou pour une minorité ou pour un groupe. Et c'est vrai que on comprend qu'à la fois Élu Lapérin ait pu incarner en disant des choses qui sont très belles et très fortes et qui en même temps provoquent des tensions parce qu'elle incarne une partie ou un côté du mouvement qui est le mouvement commercial ou le ghetto comme tu disais Suzette. Et c'est vrai que oui, sur la question de la forme que prennent les revendications, là aussi je crois qu'il est important d'historiciser, par exemple, la manière dont Arcadie ou André Baudry conçoit l'homosexualité, et évidemment pas celle du tout dont le phare la conçoit. Le phare est dans une volonté de détruire la société ou de contester la société dans tous ses fondements, une société qualifiée de bourgeoise, etc. Là où Arcadie veut plutôt faire une place aux homosexuels dans la société. Et c'est pas du tout le même vocabulaire qui est employé, si bien que d'ailleurs que les deux mouvements paraissent irréconciliables. Et c'était ça aussi qui nous tenait à cœur, je crois, aux éditeurs et aux auteurs du livre, c'est de montrer comment l'homosexualité s'incarne dans des discours et même dans des catégories sociales tout à fait différentes selon les époques. Je pense par exemple au texte de Michael Lucey qui commente un article du début des années 30 et qui est assez provocateur en montrant qu'au fond, c'est plutôt la droite littéraire qui défend l'homosexualité dans les années 30 et pas la gauche, ce qui est vu d'aujourd'hui peut sembler paradoxal. Ou celui d'Abdelataya qui commente une photographie de Jean Genet seul sur un banc en se posant la question de savoir quel était le rapport exact, on en parlera demain en traitant de la question de l'homosexualité et de la colonisation de Jean Genet avec ses amants. En particulier, donc, ces amants du Maghreb. Voilà, parce qu'en plus, c'est une photo prise par Marc Trivier au Maroc dans les années 80, quelques années avant la mort de Genet. Et c'est aussi, quand je parlais tout à l'heure de relire les images ou de relire les archives, c'est précisément ça, poser la question des... Je ne sais pas si on peut dire des ambiguïtés, ou en tout cas de Genet, les ambiguïtés possibles de Genet dans son rapport au monde arabe, dans son rapport au Maghreb. Et en même temps, il a accompagné un certain nombre de luttes de libération. Mm-hmm. Mais il faut faire ce travail-là, et le texte d'Abdella Taïa est très très fort de ce point de vue-là. Oui, il faut lire effectivement le grand travail de Todd Shepard sur ces questions de masculinité, de mal décolonisation, comme il a titré son dernier ouvrage. Un ouvrage vraiment très très important dans ce domaine. Sylvie Tomolilo, justement, cette question, quand on historicise un mouvement, quand on historicise un type d'archive, il faut savoir où l'on débute. Alors, par exemple, Antoine Hillier, pour son livre chez Textuel, livre collectif qu'il dirige, débute en 1890. On pourrait remonter plus haut, selon vous, ou est-ce que c'est une sorte de terminus au-delà duquel il est hasardeux de d'aller? Alors, je pense qu'il n'est pas du tout hasardeux d'y aller. À la bibliothèque municipale de Lyon, nous avons des fonds anciens dans lesquels je ne me prive pas d'aller voir. Alors après, il s'agit pas forcément d'archives stricto sensu, mais on peut aussi éclairer les fonds anciens de ce regard nouveau. Voilà. Même si, d'une certaine façon, comme le disait hier Sandra Boringer, cette utilisation de cette catégorie d'homosexualité qui est inventée dans la deuxième moitié du 19e siècle, est délicate à partir du moment où on l'applique à des périodes antérieures. On risque parfois, en tout cas pour la Grèce antique, disait-elle, l'anachronisme en l'occurrence. Ah oui, tout à fait. Mais on le fait avec toutes les précautions nécessaires. Il ne s'agit pas de plaquer la grille de lecture LGBT ou queer actuelle de manière anachronique, mais en revanche, on peut voir, notamment à travers l'histoire de la médecine, comment, selon les périodes historiques, telle ou telle pratique suscite des résistances plus ou moins fortes. À la fin du XIXe siècle, on voit notamment une espèce de panique se créer autour de ce qu'on appelait le troisième sexe. Mmh. Alors, le troisième sexe, c'était quoi ? Alors, c'était effectivement les personnes homosexuelles, mais c'était aussi les femmes émancipées, c'est-à-dire qui faisaient de la bicyclette, qui portaient un pantalon, et puis aussi les hermaphrodites. C'était Magnus Hirschfeld qui avait inventé ce terme, je crois, de troisième sexe. En fait, ça a été repris aussi bien par des écrits satiriques que par les écrits médicaux. Mmh. Et ce qui est important, c'est de voir, pourquoi dans ce contexte, en raison des tensions internationales qui font qu'on a besoin d'hommes virils pour partir à la guerre. Mmh. Mais surtout, c'est très intéressant pour le coup parce que ça démontre les racines communes du sexisme et de l'homophobie. Et si on va encore plus loin dans les fonds anciens, je suis à l'inverse tombée sur un manuel de chirurgie du 14e siècle, du 14e siècle, qui témoignait de la persistance de ce modèle galénique, de ce modèle unisexe. Alors c'est le dire pour le coup de manière un peu trop réductrice, mais où l'on considère que l'anatomie interne masculine et féminine, elles sont identiques. Oui. Simplement, l'une est extérieure, l'autre est intérieure. Issue de la médecine de Galien, donc en l'occurrence, c'est cela. Voilà, c'est exact. Donc selon les périodes et selon le contexte culturel et politique, voire géopolitique, le corps, qui a priori ne change pas tant que ça, en réalité, il est interprété autrement. Suzette Robichon, dans ces années 70-80, dans ces années d'activisme dans lesquelles vous commencez, d'activisme lesbien, est-ce qu'il y avait, comme le dit Antoine Hidier, cette volonté de se rattacher à une plus longue histoire, de regarder l'histoire comme étant nécessaire à la constitution de l'identité qui était la vôtre en l'occurrence ? Bien sûr, déjà en tant qu'individu adolescente, par exemple, on cherche des traces, on se dit, en ce qui me concerne, par exemple, la littérature, et j'ai eu la chance de faire du grec dans mon lycée municipal, et de découvrir à la bibliothèque municipale Sappho, en Budée, donc c'était extraordinaire pour moi, là, c'est ma première découverte d'archives, si j'ose dire, même s'il s'agit d'un livre. Oui, on cherche des traces, on cherche des histoires, et on a eu la joie et le plaisir, effectivement, aussi de rencontrer, par exemple, deux lesbiennes qui avaient dans les 70 ans à cette époque-là, Rolando Rivel, Hélène Azénor, qui sont nées dans les années 1900, donc qui nous sont sorties des stéréotypes qu'on entend sur les années 1920. Vous savez, les Américaines à Paris, Nathalie Barney ou autres, bon, elles ne sont pas dans le sens de Nathalie Barney, mais elles ont vécu, elles ont été bibliothécaires, elles ont été peintres, elles ont été militantes syndicales, elles ont participé en 36, elles ont traversé la guerre. Et ça, c'était important pour nous de rencontrer, de sortir des stéréotypes qu'on pouvait avoir et de rencontrer des vraies personnes, entre guillemets, et d'avoir des archives aussi de ces époques-là qui n'étaient pas les archives officielles qu'on peut trouver en bibliothèque. Mmh. Antoine Hidier, vous êtes d'accord, cette quête d'une histoire qui permettait de créer des filiations, des longues durées, pourrait-on dire, avec des personnes qui avaient été elles-mêmes, dans des siècles précédents, soit minorées, soit marginalisées pour leur sexualité. Je pensais, en écoutant Suzette, à Monique Wittig et aussi à la contribution que propose Sarah Garbagnoli dans le livre sur le travail de Wittig. C'est vrai que Wittig, on pourrait dire que son projet était double. C'était d'une part se débarrasser des langages oppresseurs et des discours dominants qui oppressent les femmes et les lesbiennes, et inventer un nouveau vocabulaire, inventer une nouvelle langue, inventer une nouvelle culture. Tout son travail littéraire est un travail d'invention de ce nouveau langage, mais c'est aussi par les références, par exemple, aux Amazones. Quand on prend le brouillon pour le dictionnaire des amantes, il y a un très bel article sur les Amazones, il y a ces références à la Grèce, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des très très belles pages sur l'histoire chez Wittig, et c'est vraiment là qu'on retrouve cette dimension du passé comme permettant de s'inventer une identité à la fois individuelle et à la fois collective. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dès qu'on lit des revues homosexuelles, même très anciennes, par exemple Inversion, cette revue des années 1920 dont parle Florence Tamagne, ou Arcadie, ensuite le Phare, ou des mouvements dans les années 80-90, revient toujours cette question de la relecture de l'histoire, de se trouver des références. Oui, justement, je voulais citer cette phrase de Monique Wittig dans Les Guerrières, « Si tu ne te souviens pas, invente ». Et autre chose que je voulais juste rajouter, c'est qu'à l'époque et encore maintenant, on travaillait beaucoup avec d'autres associations à l'étranger. Et par exemple, il y avait toutes les revues lesbiennes allemandes avant la guerre, des années 20, qui étaient importantes pour nous pour montrer qu'on avait une histoire et qu'on sortait pas de nulle part. Alors, on voit bien que ces années 70 sont très importantes dans ce projet, justement, à la fois d'archiver, de collecter, de garder, de conserver des archives de ces mouvements. Il y a, par exemple, un reportage en 1979 auprès du groupe de libération homosexuelle de Marseille. Ils ne discutent pas d'archives, mais de leur combat quotidien contre l'homophobie. De toute façon, c'est préférable de donner du fric au GLH plutôt qu'au ghetto, quoi, aux boîtes, tout ça. Ça coûte moins cher d'abord, et puis c'est tellement sympa. GLH. Depuis quelques années, des groupes se sont constitués dans les principales villes de France. Un événement considérable. Ni lieu de drague, ni source de bénéfices commerciaux. Ce sont des centres d'accueil, de solidarité, d'amitié. Le rôle d'un GLH, c'est pas simplement de créer un lieu chaud, de rencontre, etc. C'est aussi quelque chose qui interpelle les homosexuels pour qu'on sorte du ghetto. Parce que si, ensemble, on s'organise pas pour parler fort, exiger un certain nombre de choses et s'imposer, il se passera rien. En vue de quoi s'organiser? Avant tout pour faire abroger les lois discriminatoires qui répriment l'homosexualité. Les grands partis interpellés font la sourde oreille. Pourtant, les articles 330 et 331 du Code pénal, promulgués sous Pétain et maintenus en vigueur après la Libération, institutionnalisent des injustices flagrantes. Un homme peut avoir légalement une relation hétérosexuelle avec une mineure de 15 ans, alors que les amours homosexuelles sont interdites tant que le partenaire n'a pas 18 ans. Les GLH se livrent aussi à des actions ponctuelles. Ils interviennent dès qu'un camarade se trouve en difficulté. Voilà donc pour ce reportage de la télévision française sur le groupe de libération homosexuelle de Marseille. C'était en 1979. C'est intéressant de voir, Antoine Didier, comment la télévision parle évidemment de ces mouvements de revendication qui vont être de plus en plus relayés à partir de la fin des années 70 et des années 80, alors qu'ils étaient totalement invisibilisés auparavant. Aussi, on pourrait se poser la question du rapport de ces mouvements avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous nous disiez tout à l'heure, Suzette Robichon, que vous aviez beaucoup été nourrie par les travaux et les publications des lesbiennes des années 1920-1930 en Allemagne. Y a-t-il d'une certaine façon une façon de relier les deux rives de l'Atlantique, par exemple? Vous dites que Stonewall, par exemple, qui aujourd'hui est considéré, cette révolte de Stonewall à New York en 1979, donc contre les violences policières qui étaient exercées sur les gays new-yorkais, Stonewall est considéré aujourd'hui comme une pierre de touche, pourrait-on dire, quasiment mondiale du mouvement gay et lesbien, et que cet événement était passé sous silence par le Fonds homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Phare. Si vous me permettez, je reviens juste un tout petit peu en arrière. C'était assez chouette d'avoir cette archive du GLH de Marseille. Je suis pas certain de reconnaître les voix, mais le GLH de Marseille a un rapport assez particulier à la question des archives, puisque un certain nombre de documents qui sont reproduits dans le livre proviennent des fonds de Christian Deleuze, qui a fondé l'association Mémoire des Sexualités, qui est une des personnalités du GLH de Marseille. Sur la question des circulations, c'est vrai que c'est une très belle question, puisqu'on dit beaucoup Stonewall, moment fondateur. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai reproduit des archives qui viennent des États-Unis, qui sont passées par un militant maoïste, François Lasquin, dit Chouchou, qui était assez connu dans le milieu militant et qui importait un certain nombre de choses liées à la contre-culture américaine, et notamment des revues, des affiches, des tracts. Et il est évident que le mouvement, ce qui se passait aux États-Unis, a eu une inspiration un peu fondatrice pour le phare. Moi, j'avais été aussi très heureux de retrouver, quand j'écrivais ma biographie de Guy Hockengame, une copie du Gay Manifesto de Carl Whitman avec l'écriture de Guy Hockengame dessus. Et en même temps, quand on rentre dans le détail des circulations, je dirais que la référence à Stonewall même est totalement absente. Ah. Et au fond, il y a une référence plutôt générale à ce qui se passe aux États-Unis, mais le langage n'est pas le langage de la libération gay américaine, c'est plutôt le mouvement féministe français, l'influence de la contre-culture, etc. Sylvie Tomolillo, sur ce point, justement, sur ces mutations, pourrait-on dire, qui sont à la fois des mutations de mémoire et d'histoire, c'est-à-dire comment on récupère plus tard, peut-être, certains des événements que l'on réinsère dans sa propre histoire, donc. Oui, alors je note aussi l'intérêt, en tous les cas, de nos usagers, pour le coup, parlons-en, hein, des gens à qui tout ça sert du point de vue du service public, effectivement. On voit bien l'intérêt, on va dire, c'est bien ces 15 dernières années, ces 10 dernières années au moins, de la part des étudiants, de la part des militants, pour cette histoire américaine. Voilà. Parfois aussi quelques impasses, hein, dans le sens où le contexte historique n'est pas le même, le contexte juridique n'est pas le même. Pensez par exemple que des grands films des films grand public comme Harvey Milk par exemple ont contribué à remettre ce mouvement américain pour les droits dans l'œil, l'oreille et la pensée de ceux et celles qui peuvent fréquenter aujourd'hui les bibliothèques comme la vôtre? Vraisemblablement, oui, mais il n'y a pas. Alors, pour le coup, là, vous faites référence peut-être plus au plus vaste public, hein, on va dire. Pour ce qui est des étudiants, en fait, ce sont souvent des références plutôt d'essais, de livres. Hein. Je pense à toute la production queer, voilà. Et l'idée, c'est effectivement, pour le coup, de voir. Enfin, je pense que ça crée une sorte, au-delà de cette espèce de fascination, hein, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais au-delà de cette espèce de fascination, ça crée aussi l'envie d'aller voir, eh ben, chez nous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a été, et d'exhumer justement nos archives. Ce qui est tout à fait effectivement passionnant. Suzette Robichon. Oui, sur Stonewall, je crois qu'il faut également voir comment on reconstruit l'histoire, puisqu'aujourd'hui, en particulier du côté des groupes d'homosexuels ou de lesbiennes racisées, certains disent qu'on a mis en avant Stonewall, alors qu'au préalable, il y avait eu d'autres événements. Non, je pense également que les liens étaient importants. Le dépôt de gerbes en 1970 à l'Arc de Triomphe était effectivement lié à une grève des femmes qui devait avoir lieu aux États-Unis, etc. Donc ces liens étaient à la femme du soldat inconnu. Oui, ça c'était extraordinaire, avec Monique Wittig, Christiane Rochefort, etc. Ouais. Donc ça, ces liens ont été très importants, mais parfois on a reconstruit aussi une histoire. Et cette histoire, elle est à disposition, pourrait-on dire. C'est la fabrique de l'histoire, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'événements que l'on ne voyait pas et qu'on le voit aujourd'hui parce qu'ils nous servent ou ils servent à ceux qui écrivent l'histoire dans leur combat, dans leur façon de voir le monde. Bien sûr. Et dans les étudiantes qui viennent aux archives lesbiennes, parce qu'on en a énormément, beaucoup viennent, puisqu'on a un énorme fond de littérature grise, sur des thématiques comme par exemple la santé. Sur les chansons lesbiennes, sur comment les écrits de l'intime, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement à Lyon des dépôts de l'intime. Et ça, c'est extrêmement important parce que les dépôts qui sont faits dans une archive lesbienne comme la nôtre sont des dépôts faits parce que ce sont des archives lesbiennes et que donc elles sont en sécurité, entre guillemets, et elles vont être lues par des personnes qui peuvent comprendre ce qui est là. Antoine Didier. Je repensais à cette question de la circulation américaine. Moi, ça m'avait beaucoup intéressé quand j'avais travaillé sur Guy Hockengame et de voir comment il avait lui-même redécouvert les États-Unis et le mouvement gay américain, et alors qu'il était plutôt très critique et très méfiant et envers le mouvement gay et envers tout ce qui venait des États-Unis, avait changé de point de vue à la suite de la découverte de la puissance des mouvements aux États-Unis. Et c'est notamment aux États-Unis qu'il découvre une partie de l'histoire homosexuelle des années 30. Il le dit lui-même dans un article en citant un livre qui est très précis, qui est paru en 74 à New York. Et c'est à partir de là qu'il découvre qu'il s'était passé énormément de choses avant, et surtout qu'il était jusque-là pas au courant qu'il s'était passé toutes ces choses. Et comme il le dit, qu'il y avait des silences de l'histoire, qu'il y avait des effacements de l'histoire, qu'il y avait des trucages de l'histoire, d'où le projet qu'il a avec d'autres de réécrire une histoire de l'homosexualité pour affronter ces, ces silences et ces invisibilisations. Oui, et moi personnellement, je ne connaissais rien de l'affaire Anselmo, dont parle en 1982 la télé française, c'est un France 3 Rhône-Alpes, un jugement donc d'une femme qui est défendue, en l'occurrence, par Gisèle Halimi. Maître Gisèle Halimi, chef de file du mouvement Choisir, est venue plaider la cause d'Evelyne. À la sortie du tribunal, elle s'est montrée assez optimiste quant au résultat du référé qui sera rendu public le 8 juillet. Selon Gisèle Halimi, le rapport du docteur Barlet, psychiatre, montre que l'enfant est tout à fait épanoui et conscient de sa virilité. Je serais très étonnée que l'on sépare la mère de l'enfant, a-t-elle déclaré. Le droit de visite du père sera certainement prolongé. Cet après-midi, plusieurs représentants de diverses associations s'étaient réunis sur les marches du palais de justice de Lyon. Outre les regroupements homosexuels, aussi bien masculins que féminins, des membres de la Ligue des droits de l'homme, du planning familial, de la jeunesse socialiste et de la Fédération de la lutte des femmes s'étaient déplacés. Pour eux, se déroulait aujourd'hui à Lyon le procès exemplaire de l'homosexualité. Civito Molillo, voilà un procès important en 1982. Ceux et celles qui fréquentent votre bibliothèque municipale à Lyon ont-ils connaissance de l'existence de ce jugement à Lyon, qui est un jugement important et qui surtout fait référence à des questions éminemment contemporaines sur effectivement adoption, PMA, GPA, etc. Alors j'ai le sentiment que les militantes, bien sûr, ont connaissance de ce jugement à Lyon. Les étudiantes les étudiants le découvrent, mais au niveau de la population générale, très sincèrement, je ne pense pas. En réalité, ils sont aussi ignorants que moi avant que j'écoute cette archive. Vous voulez dire, c'est ça? Oui, mais c'est ce dont parle Suzette Robichon depuis le début, cette espèce d'invisibilisation de l'histoire des femmes. Voilà. Mais vous avez sur un point, en tous les cas, je vous rejoins totalement lorsque vous insistez sur la manière dont les débats actuels font écho à cette histoire-là aussi. L'idée, c'est que pour saisir le présent, il faut absolument apprendre du passé, d'où l'importance des archives et aussi des fonds anciens quand on a la chance d'en avoir. Ouais, Suzette Robichon. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Civito Molillo, parce qu'effectivement, je me souviens très bien de cette mobilisation, puisque le groupe lesbien de Lyon y était, dans le magazine Quand les femmes s'aiment, qui était le deuxième magazine lesbien créé à ce moment-là. On en parle en 78, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, on en parle. Et c'est intéressant de voir que dès le début du mouvement lesbien, cette question de l'enfant, en avoir ou pas, etc., etc., est posée, parce qu'effectivement, dès le début, on a ce problème de femmes lesbiennes qui ont des enfants et dont, au moment du divorce, ou parce qu'elles les ont toutes seules, vont être confrontées à une justice qui va leur refuser, parce que, et avec tout ce qui est également du domaine de la psychiatrie, il faut pas oublier qu'à ce moment-là, et à cette époque-là, et on a encore des exemples, on pouvait être envoyé en clinique psychiatrique, il pouvait y avoir, enfin bref, il y avait quand même une répression extrêmement violente contre ce qu'on appelait les déviances. Donc ce procès était important et montre l'actualité aujourd'hui avec le débat sur la PMA. Cette reconquête des droits, mais en revenant en arrière sur l'histoire d'une certaine façon, cette façon de vouloir aussi revenir dans ce passé en cherchant des antériorités à ces mouvements, vous en parlez beaucoup dans votre livre collectif chez Textuel, Antoine Hidier, et vous dites aussi qu'il y a parfois peut-être des impasses possibles. Vous évoquez la collection de Sébastien Lifshitz qui va dans les brocantes, qui va chercher des photographies et qui va chercher des photographies d'hommes entre eux, de femmes entre elles, avec des gestes tendres. Et vous dites, c'est une magnifique idée d'une certaine façon. Mais est-ce que ces clichés représentent vraiment l'homosexualité telle qu'on l'imagine aujourd'hui, ou simplement des homosocialités, comme on peut parler en termes de sociologie ou d'anthropologie, qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité? enfin, c'est une question épineuse, mais je suis très heureux que vous me posiez la question, parce que j'ai eu un échange un peu vif avec avec Sébastien Lipschitz. Ce que je pense est de mon côté un malentendu. Moi, j'aime énormément le travail de Sébastien Lipschitz, et notamment toutes les recherches qu'il a menées dans des brocantes sur Internet pour exhumer des photos de l'intime, ce qui est, je crois, une vraie quête, d'après ce qu'il en dit, en ouvrant des albums photos et en reconnaissant dans les albums photos des vies d'homosexuels, hommes ou femmes, ou des transgenres, parce qu'il a aussi travaillé sur le transgenre. Moi, la question que je voulais poser, qui s'adressait pas du tout à Sébastien lui-même, mais plutôt en fait à moi en premier et à nous, les regardeurs, avant tout celles et ceux qui se reconnaissent dans ces documents ou qui voient une énergie créatrice, et puis toutes les personnes, on va dire, intéressées, c'est au fond, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes les auteurs d'une nouvelle violence quand, entre guillemets, on annexe ces photos à une histoire d'homosexualité ou à une histoire des identités LGBT+. C'est amusant parce que ça va en relation avec les débats aujourd'hui du livre sur le livre Sexe, race et colonie qui se pose la question de savoir si on a le droit ou non de montrer dans une grande publication de grand public un beau livre autant d'images qui peuvent être considérées, alors ça n'est pas la même chose que pour Sébastien Lipschitz bien évidemment parce que ça n'est pas le cas, mais qui peuvent être considérées dégradantes pour ceux ou celles qui sont sur ces images. Et au fond, ces personnes photographiées, que penseraient-elles, si c'est une situation tout à fait théorique et tout à fait spéculative, mais que penseraient-elles de leur inclusion dans ce livre avec des identités très contemporaines qui ne ressemblent à rien desquelles dans lesquelles elle pouvait se revendiquer, voire il y a cette photo que je trouve très belle et c'est pour ça que j'ai tenu à la reproduire, où on voit deux femmes extrêmement proches dans un accoutrement, une attitude dont spontanément on est prêt à dire qu'elles sont lesbiennes, et en même temps on n'en sait rien, c'est peut-être deux amies, c'est peut-être, elles ont peut-être des liens qu'on ne peut pas soupçonner, et du coup moi c'est cette question là, c'est quand on travaille sur des documents anciens, comment fait-on attention aussi à la manière dont on reconstruit un récit sur ces documents? Suzette Robichon. Bah oui, bien sûr, je suis très, très. On est tous et toutes confrontés à un moment donné avec cette reconstruction, en particulier au début du mouvement où tout ce qui pouvait sembler être montré de l'homosexualité ou de lesbianisme, on s'en emparait alors que c'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des photos, des albums, etc., plus personnels, qui permettent aussi de voir, de sortir des stéréotypes. Parce que dans le livre, tu montres effectivement, par exemple, je me souviens plus si c'est Vogue ou autre, ces photos classiques des lesbiennes des années 20, les photos de Brassailles qui sont magnifiques, c'est pas ça. Mais il y a autre chose. Là derrière, tout le monde n'allait pas au monologue, tout le monde n'était pas, voilà. Et donc, ce visuel, c'est effectivement très important, d'où l'intérêt des archives pour avoir des fonds de l'intimité et des fonds des luttes également. Oui, Civilito Molillo, c'est une des questions que vous vous posez, j'imagine, quotidiennement, en tant que conservatrice à la Bibliothèque de Lyon et responsable de ce centre de ressources sur le genre. Oui, oui, tout à fait. L'important, c'est de toujours, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, de faire preuve de beaucoup de rigueur et de ne pas faire de surinterprétation. L'important, c'est toujours de contextualiser à la lumière des connaissances actuelles sur le passé, bien sûr, et à la lumière aussi de l'épistémologie actuelle. Et puis, concernant les lesbiennes, moi, je suis tombée sur un certain nombre de documents qui avaient pu être traités et interprétés comme des documents lesbiens, alors qu'en réalité, une carte postale, par exemple, présentant une carte postale érotique présentant une scène lesbienne, bien souvent, elle n'est produite pour des hommes. Voilà. Elle n'est pas produite pour des femmes. Exactement. Ni par des femmes, ni pour des femmes, d'ailleurs, en l'occurrence. Exactement. Et on ne sait rien, en réalité, de la sexualité de ces deux femmes. Suzette Robichon. Oui, par ailleurs, c'est intéressant, effectivement, en tant que militante, en tant qu'historienne lesbienne, de pouvoir décrypter parfois ce que les unes ont pu ou ont dû cacher, et tant au niveau littéraire que parlant dans les journaux intimes, on s'en aperçoit. Et puis également, si on prend en littérature Gertrude Stein, on s'aperçoit que certains des poèmes où il y a des codes et autres, enfin, c'est très intéressant de pouvoir y travailler. Mais c'est pour cela que la parution des ouvrages de Vitti, que ce soit Les Guerrières et Le Corps Lesbien, a été vraiment comme un coup de tonnerre et une révélation absolument extraordinaire pour nous, parce que voilà, les mots existaient. on regrette que certaines archives aient pu disparaître, que des lettres de Mauriac, par exemple, que vous mentionnez, Antoine Didier, aient pu disparaître alors qu'il les réclamait à corps et à cri à Daniel Guérin. Elles n'ont pas disparu. Mais c'est vrai que c'est une situation qui me plaisait beaucoup, parce que c'était posé aussi la question des jeux de pouvoir qu'il y a dans les archives et que c'est loin d'être unilatéral. Peut-être pour contextualiser, il s'avère que Daniel Guérin et Mauriac ont une correspondance très intime dans les années 20-30, où ils parlaient chacun de leur goût sexuel entre eux, et que Mauriac a exigé bien plus tard de récupérer cette correspondance, que Guérin n'a pas voulu, que Guérin en a fait des photocopies, en a publié, et que par ailleurs, encore aujourd'hui, la famille de Mauriac refuse qu'on les publie, ce qui est par ailleurs leur droit le plus strict d'un point de vue juridique. Mais du coup, comment aussi les archives sont utilisées et par Guérin et par Mauriac, l'un pour dire, voire pour faire ce qui s'appellerait pas un outing à l'époque, ou au contraire pour Mauriac, pour continuer à construire l'édifice très complexe qui a été sa vie privée ou sa vie intime. Mmh. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus pour évoquer cette question de la constitution de fonds d'archives et la façon dont on peut aujourd'hui les communiquer, ces fonds d'archives, à un plus large public. Une dernière question, Suzette Robichon, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Je dis c'est merveilleux qu'elles existent, mais maintenant la question qui se pose, c'est comment les préserver et comment nous donner les moyens effectivement de pouvoir continuer de manière collaborative et participative à les faire vivre. Oui, et avec cette question, est-ce que ce doit être des fonds qui sont gérés par des associations gays et lesbiennes, par exemple, ou est-ce que ce sont des fonds qui doivent naturellement aller dans toutes les bibliothèques de France, comme c'est le cas à Lyon, par exemple, géré par Civito Molino? Je dirais que naturellement, elles ont été créées par des militantes, et qu'elles sont toujours effectivement soutenues par des militantes, mais et que effectivement la question de l'institutionnalisation ne se pose pas réellement pour l'instant, et que je trouve que l'autonomie et le côté collaboratif et participatif qui existe actuellement est très précieux à maintenir, et c'est ce qui a fait vivre des archives lesbiennes mais également gays en France et également ailleurs. On peut d'ailleurs le voir dans ce livre publié en 2009, je crois, Mouvement de presse des années 70 à nos jours, par Martine Laroche et Michel Laroui, le collectif des archives recherche culture lesbienne, et dans votre travail, Antoine Didier. Merci à vous, Sylvie Tomolio, ainsi qu'au studio de Radio France qui vous ont accueilli donc à Lyon, où vous êtes conservatrice de la Bibliothèque de Lyon. Merci à tous les trois. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson était en studio aujourd'hui à la technique avec nous, et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur notre série donc consacrée à l'histoire des homosexualités, mais aussi à d'autres séries de la Fabrique de l'Histoire, allez sur le site de France Culture, franceculture.fr, discutez avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, encore suivez-nous sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.